Chez Jean Dumas Ford de Roberval, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et Chibougamau, venez voir le F-150 avec la technologie d'aide au conducteur Ford Copilot 360 offerte en option. En plus, le F-150 est équipé du système Pro Trailer Backup Assist qui facilite la marche arrière avec n'importe quelle remorque. Obtenez-le à un taux annuel de 0% à l'achat jusqu'à 84 mois et 4 500 $ de rabais sur les F-150 2020 sélectionnés. Jean Dumas Multiconcessionnaire. On va parler de baseball. Toute une nouvelle qui est survenue en fin de semaine. La Ligue de baseball majeure du Québec, ce qui est la Ligue senior en fait. Il n'y a pas d'équipe au Sénat Saint-Jean, je vous le dis tout de suite. Il y a des équipes entre autres à Victoriaville, à Thetford Mines. J'en ai vu dans le coin de Montréal également. Je pense qu'il y a une équipe à Shawinigan aussi. Quoi qu'il en soit, ils avaient eu l'autorisation de la santé publique de démarrer leurs activités. Et je pense qu'ils ont joué deux matchs et finalement, notre cher bon docteur Arruda a décidé que c'était terminé. On en parle avec le président de la Ligue, M. Daniel Delisle. Bon après-midi, M. Delisle. Bonjour, ça va bien? Ça va très, très bien. Vous, ça va-tu bien? Moi, je me mets dans votre peau, là. Écoutez, moi, ça ne me surprend pas de votre cas. Je ne sais pas si vous avez su ce qui s'était passé avec Beauce Carnaval dans la région de Québec, mais ça ressemblait un peu à ça. Fait que vous, qu'on travaille avec vous, qu'on vous montre votre affaire, qu'on vous aide à y aller avec la santé publique, puis deux jours après qu'on vous cancelle, c'est choquant, mais c'est pas surprenant. Donc vous, comment vous avez réagi face à ça? Écoute, la vraie chronologie des événements c'est qu'on a reçu fin juin, là. Je ne me trompe pas, c'est autour du 21 juin. On a reçu un communiqué de Baseball Québec, une lettre du ministère des Loisirs, donc régi par le gouvernement, bien sûr, qui disait que pour les activités extérieures, il n'y avait aucun nombre de limites. C'était la distanciation sociale qui s'appliquait. Donc, nous, on s'est mis en branle à ce moment-là. On a fait faire des plans sanitaires à nos équipes, des plans sérieux là, qui devaient être approuvés, un par la Ligue, deux par Baseball Québec, et que c'était tellement ça coche les plans de certaines équipes que ça a été montré un exemple pour plusieurs associations au niveau de Loisirs Québec, parce que c'était vraiment bien. Là. Puis les équipes ont dépensé, parce que c'est pas toutes les villes. Comment ça a coûté, par exemple, là, pour monter ça? Parce que ça, c'est pas rien que du travail, j'imagine. Il y a de l'argent. Je pourrais dire, regarde, facilement, j'ai pas demandé des factures aux équipes, là, mais je prends Coaticook, la ville a été plus ou moins partenaire là-dessus. Eux autres ont dépensé des plexiglas, des cantines, pour les annonceurs, puis des lavabos, pour laver les mains pour les joueurs, en tout cas. Eux autres, je dirais, là, ils doivent s'approcher d'une facture pas loin de 500 $ facilement. Plus le Purel qui est à l'entrée, puis pour les joueurs des équipes adverses, des équipes locales, puis tout ça, là, je dirais, là, on n'est pas loin de ça. 700 $ okay. Ouais. Par équipe, à peu près, en moyenne, j'imagine. Une moyenne d'à peu près 800 $. En moyenne, hein? À peu près ça, en moyenne. Là. Puis vous, j'imagine que c'est de l'argent pareil pour ces équipes-là? C'est tenu à bout de bras par au niveau bénévole, par bien des bénévoles, là? Ben, la Ligue majeure du Québec, c'est sûr, il y a certain que le modèle d'affaires, elle se base sur les foules, sur les spectateurs. Tu sais. Ouais. C'est sûr et certain. Une moitié de saison comme ça, à la base, déjà, les équipes, plusieurs n'ont pas de partenaires financiers. Ils n'ont pas sollicité des commanditaires parce qu'en période de pandémie, il y en a qui en ont reçu pareil des commanditaires. Mais plusieurs qui ils n'ont pas eu. Donc, là, on part avec une demi-saison. Des frais parce qu'on veut être correct avec la santé publique puis agir correctement puis garder notre moitié de saison ouverte pour se faire fermer. On part avec ça, on joue des matchs puis là, on est à la veille d'ouverture puis il y a des villes qui commencent à dire ben, nous autres c'est 50, nous autres c'est ici, nous autres c'est ça. Là, on a continué pareil, comme mettons Saint-Jean-sur-Richelieu à l'ouverture. Là. La veille d'ouverture, c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils ont utilisé 125. Mais il n'y a plus, fait qu'il n'y a pas eu de match. Après ça, toutes les games qui se sont jouées, les parties, à travers les villes étaient coopératives, puis ils n'ont pas mis vraiment de restrictions en autant que ça soit respecté. Parce qu'à Thetford, même, le premier match, il y a eu pas loin de 500 personnes. Ah, Ah ouais, okay. 500 personnes. C'est-tu ça qu'il aurait fait? Parce que moi, ce que j'ai parlé avec quelqu'un, c'est ça qui aurait probablement fait en sorte que la santé publique aurait dit « Wow, c'est-tu ça qui... c'est-tu ça? » Ben, il y en a qui peuvent dire ça, mais moi, je suis pas d'accord là-dessus. Ouais. C'est sûr et certain qu'après ça, on a dit à nos équipes, là, ça cachera pas les foules, on tient ça mort, on joue le bras faire. Mais à cette feuille de 5000, s'il y en a 500, je veux dire, s'il y en a qui disent que c'est ça qui a fait fermer ou qui a fait réagir, ça serait complètement ridicule, c'est un stade de 5000. C'est même pas, même pas 20%. C'est la place en marche. À tête feuille, tu pourrais être à 1500, puis tu pourrais être à 20 pieds de ton voisin. Là. Fait que ça, c'est tel que tel. Puis là, on a continué toute la semaine. Il était à Montréal cette semaine, le match bon, typique de Montréal. Tu peux pas de la tête feuille. Tu peux rester comme personne. Le plan respecté dans la mesure du possible. Est-ce que vous avez eu une plainte? Est-ce que vous pensez que vous avez eu une plainte? Non, moi j'ai aucun au courant de plainte, Baseball Québec non plus. OK. Tout allait bien. Après ça, on a eu. Mais comment ils ont fait pour savoir ça? Ben, je veux dire, ils n'ont pas su ça. C'est qu'ils ont renvoyé la directive. Parce que Baseball Québec est junior élite aussi là-dedans. Là. OK. Il y a d'autres villes là, dans junior élite, la Ligue du Bas-Saint-Laurent, puis. Bon, on parlera pas des autres ligues seniors. Je dirais à Saint-Georges aussi, sûrement, c'est peut-être problématique à Saint-Georges. Romandie, c'est la même chose. Où est-ce que ça attire le plus, c'est des problématiques. Mais il y a bien des villes dans le senior plus bas ou dans le junior 2A, ben, ça attire pas autant de spectateurs. Fait que, c'est pas vraiment une problématique là, à ce moment-là. OK. Fait que, disons, c'est ça qui est arrivé vendredi matin. On a 3 matchs de Sud-Lé. On est en l'attente avec Baseball Québec d'une modification du règlement. Puis on attend. Ça n'arrive pas. La seule affaire qu'on a vendredi matin, c'est un erratum du ministère des Loisirs qui rappelle que c'est 50 spectateurs maximum à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui arrive? Là, t'as les arbitres, puis t'as tout ça, là, puis t'as le personnel qui compte des spectateurs là, aussi. Ben, moi, j'ai 3 matchs ce soir. J'ai un match à Acton, à Tetford, puis j'ai un match à Schwingham. Okay. On attend à 4 heures, puis les villes semblent. Les villes semblent, les bureaux de ville semblent, puis avez-vous eu un update? Non, on n'a pas, OK, on joue nos matchs. Mais déjà, le lendemain, Sherbrooke était avisé que c'était 50, Saint-Jean 50, et qu'on continue à prendre tout. Fait que là, ça ne marchait pas. C'est pour ça qu'on a fait, on a joué nos matchs, puis on a annoncé ça tout de suite après les matchs. Justement, puis avec tous les articles de journaux que tu as vu passer, c'était pour provoquer, mais pour provoquer des réactions des fans aussi sur place. T'sais, les gens qui étaient à Tetford gagnent la game. Puis, toute la troisième retraite, le message passe, la série suspendue. Les gens sont partis un peu fâchés. C'était le but de l'opération, de fâcher le plus de monde possible. Il va y avoir des réactions. Quand même, vendredi après-midi, à Rimouski, où j'étais en étroite collaboration avec la Ligue du Bas-Saint-Laurent, à Rimouski, Docteur Houdou était là, le point de presse. On avait un journaliste sur place de Rimouski qui a posé la question. Elle fait son soir, puis elle dit oh, on évalue ça, on va se faire prochainement. Mais prochainement, là, baseball, là, ça joue pas au mois de novembre. Là. Il faut que ça soit là. Autant que les bars se sont réveillés deux temps, trois mouvements. Là, on parle des campings aujourd'hui. À la plage d'Oka, dans la région de Montréal, il y avait je sais pas combien de 1000 personnes dans 20 semaines. Moi, je travaille à Montréal, je pense que je vais faire la fontaine de tous les jours. C'est des milliers de personnes, mais on respecte supposément 2 mètres, mais c'est correct. Puis nous autres, dans nos salles de baseball, avec notre plan sanitaire incroyable, ça serait la coche, on ferait limiter à 50, c'est illogique. Là. C'est illogique, comme tu disais, les frais, on n'est pas capable de faire nos frais. 50 à 7-8 piastres pour rentrer, ça fait 400 piastres, on s'entend. Puis juste les arbitres, des fois, sur un match, c'est le programme d'excellence. Avec le voyagement, il faut payer le voyagement. Puis la rémunération de la match, ça peut aller à 325, 350, certains soirs. Le marqueur, l'annonceur, le staff. Fait qu'on commence le match, les balles, nous autres, c'est pas 6 balles, 3 balles, là, puis après on prend des billes. Les équipes, c'est 12 balles, puis quand les 12 neufs sont passés, c'est un autre. Là. C'est un peu comme dans le baseball majeur, là. C'est qu'ils sortent des balles potables. Là. Ben oui. Fait que tu sais, c'est déjà là, on parle de 800 minimum par match de dépense avant de commencer. Fait que si on est moins 400 à chaque match, ça marche pas, on va tuer nos concessions et la ligue en même temps. C'est incroyable, c'est incroyable. Là, ce qui va arriver là, à partir de maintenant, là, Horacio, notre cher Horacio, a dit qu'il évaluait ça. Regarde, moi, juste à le... Moi, je peux, tu sais, j'y donne clairement mes opinions sur les médias sociaux. Je suis pas en amour du tout avec ce gars-là. Je trouve qu'il y a beaucoup d'improvisation, mais vous allez faire quoi, là? Ben, nous, le plan de match, c'est ça. Ouais. On a arrêté nos opérations. Il n'y a pas de match ce soir non plus. Mais vous allez-tu avoir, allez-vous rencontrer, allez-vous faire de quoi? Puis là, c'est les vacances, ben, donc j'imagine que c'est plus difficile aussi travailler avec les fonctionnaires. Pourquoi tu penses qu'ils l'ont annoncé vendredi à 11h? Les vacances de la Constitution, la veille du port du match, tout le monde s'en va en vacances. Hein. Fait que, pour que ça tombe dans une bulle, puis c'est exactement ça qui se produit. Et nous autres, on est en collaboration avec Baseball Québec et Maxime Lamarche, travaille fort sur le dossier, parce que, comme tu dis, c'est Junior Redette aussi. Ouais. C'est Junior Redette au Saguenay, c'est 50 à un moment donné, là, puis on a vu des reportages. Ben, à Trois-Rivières, c'est 50 plus 150 de la terrasse. La Granby, c'est 50 pendant une semaine, puis vendredi soir, vendredi après-midi, c'est tombé à 200. Là, on y va avec les improvisations des villes, selon le bon vouloir. Et on peut pas avoir un modèle d'affaires là-dedans. Nous autres, mettons, tout le monde dit « OK, on vous laisse aller, c'est correct. » La veille du début des séries, on nous met à 50 partout parce que la ville se fait menacer de se faire couper les subventions par le gouvernement. Et on fait quoi? Ben oui. C'est là, pour régler le problème maintenant, c'est poche un peu. Ben, la junior élite, c'est poche. Et Roger, je sais qu'il travaille d'une autre manière, là, puis il a ses entrées au gouvernement, puis je suis certain qu'il travaille dans notre sens. Mais le combat qu'on mène, il faut que ça provoque des résultats maintenant parce que la saison est courte. Puis nous autres, ben. Vous chacun, là? Ben, nous autres, on mercredi, on a une réunion. Ouais. S'il n'y a pas de changement, il y a des grosses chances qu'on mette fin à notre saison immédiatement parce qu'on ne peut pas vivre. Il faut que tu saches non plus. Il faut que tu saches aussi. Il faut que les organisations savent où ils s'en vont. Ben oui, ça peut être clair. Ça prend un pourcentage aussi. Il n'y a pas un nombre. Donner de même. Des bars, on est à 50%. Si le bar, il y avait de place, on peut avoir 500 là, dans un bar. Mais nous autres, on va quoi là, à l'extérieur? Tu ne peux pas arriver à dire 200-250. Pour un parc, mettons, comme Shawinigan, 250, c'est correct, qui rentre 400-500. Ouais. Mais à cette chose, c'est 5000. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un pourcentage, quelque chose de clair, net et précis. Aujourd'hui, le ministre Guilbeault, son point de presse, je l'ai écouté. Rendu au troisième point, un sujet qui fait beaucoup couler d'angle, je suis sûr qu'elle parlait de nous autres pour régler ça. Ben là, on a parlé des campings. Bon, OK. On est rendu des campings. Ouais, des campings. Pas de trouble, les campings, tout le monde est hors. Vous savez que ce qui arrive, c'est que c'est des journalistes politiques. Hein. Je suis même pas sûr qu'ils savaient ce qui se passait avec votre livre. Non, ben là, je pense qu'on a choqué. Carl Tardif a fait un bon texte, il y a Rob de Saint-Gelais aussi a fait un bon texte. Les autres médias aussi, la Tribune et compagnie ont tout repris ça. Je te dirais c'est à peu près la 12e entrevue que je donne avec toi maintenant. J'en ai encore demain. Écoute, ça bouge. Le Bas-Saint-Laurent aussi donne beaucoup d'entrevues. Denis Burbé, le président de l'autre ligue du Bas-Saint-Laurent, donne beaucoup d'entrevues parce qu'il mène le même combat. Parce qu'à Rimouski, c'est 50, à Cabano, c'est open bar. T'sais, on peut pas. Et lui aussi, il peut pas, là. Fait que, à un moment donné, il faut avoir une règle claire, puis logique. C'est pas une règle, là, qui dit, OK, on a statué, là, c'est 50. C'est sûr, ça ferait pas notre affaire, mais ça serait au bout de la ligne, ça serait complètement. Mais vous le saviez, à quoi vous en tenez? Parce que moi, ce que je parlais avec un président de ligue, dans notre région, qui est en train de préparer sa ligue de hockey, puis j'y comptais exactement ce qui vous est arrivé. Puis j'y montrais ça, il était pas au courant de ça. C'est sûr qu'il n'y a pas d'équipe au Saint-Lac-Saint-Jean. Fait que c'est sûr que, votre ligue, on en entend moins parler, là. Puis ça n'a pas de bon sens. Il dit, puis j'y demandais, j'ai dit, toi, en tant que président de ligue de hockey, là, il est en train de préparer sa saison. Ça te tente-tu quand tu vois ça? Ben. Ça te tente-tu d'engager des frais, là? Parce qu'Arruda peut nous arriver, puis il peut changer comme il veut. Tu sais. Ben, c'est à l'intérieur, eux autres, en plus. Ouais. Si on n'est pas à l'abri, quand on va arriver, nous autres, là, mettons, on est en série, là. Ouais. On n'est pas à l'abri de ça. Il y a des cas partout. Là, il va arriver à un moment donné qu'un partisan qui avait un cas qui est venu chez nous, ils vont dire éclosion à Acton Bay, un exemple que je dis. Ouais. Éclosion à Acton Bay, puis là, la guerre au drame. Ah ouais. Là, on ferme partout. À un moment donné, il y en a partout, là, on peut sûr. Déjà là, je pense que les Québécois ont fait leur part. Puis là, on peut-tu un peu profiter de la vie? On a du baseball de qualité. Les gens étaient contents. Chaque semaine, dans le soir, c'était le party là-dedans. Les mots respectaient la mesure du possible. Ah. J'ai regardé, c'était quand même très, très bien. Les gens sont partis heureux. Ça leur fait un petit quelque chose à faire. Mm. Puis là, ben, bang, c'est obligé de leur fermer ça dans la face. C'est une bonne année, là. Mm. On doit recommencer à vivre tout en sachant que c'est encore là, sûrement, où la deuxième vague qui s'en vient, peu importe ce qu'ils nous disent, là. Mais à un moment donné, il faut avoir des règles, comme tu dis. Ça, c'est clair là, pour l'avenir. Effectivement. Allez, en terminant, une question pour vous. Vous avez parlé du Bas-Saint-Laurent. Vous avez parlé, il n'y a pas d'équipe senior au Saint-Lac-Saint-Jean. Est-ce que ça a déjà été une possibilité d'envisager que ce soit par la Ligue de Montréal ou la Ligue... Ben, ça serait peut-être plus la Ligue du Bas-Saint-Laurent. Là. Je ne savais pas qu'il y avait une Ligue de Bas-Saint-Laurent, mais je pensais que c'était la Ligue... votre Ligue, ça couvrait tout le Québec. Donc... Nous autres, on va jusqu'à Thetford, de l'autre bord, on va jusqu'à Saint-Jérôme. On pas mal tout. Le majeur, c'est un peu l'élite du senior. On a enlevé le nom senior, là, parce que il y a bien du monde qui est associé senior à la Ligue de bière. Là, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment une ligue semi-professionnelle. Je pense qu'il y a Xir qui a joué pour les Padres de San Diego, jouait dans votre ligue, je pense. Hein? Ou joue encore? Lequel ça? Éric? Ouais. Oh, ben, Éric. Ben oui, Éric, tu sais. Michel Simard, Steve Green, je peux tout les nommer. Là. Ouais. On a Gladu, puis Steve Brown à Trois-Rivières, Matthew Rush, on a partout. Là. Okay. C'est très, très fort. Oui, ta question, écoute, il n'a jamais eu au Lac-Saint-Jean ou au Saguenay, là, peu importe comment on nomme, là, pour ne pas froisser personne là-bas. Mais on a déjà eu à Rivière-du-Loup. Au début de la Ligue, on avait à Rivière-du-Loup, on avait à la Pocatière aussi. Okay. On couvrait quand même assez loin. Mais après ça, ça s'est éliminé, là, le capitaine. C'est le maudit voyagement aussi, là. C'est le voyagement, c'est ça. Mais Saguenay, on ouvre la porte. Mais les équipes qui veulent rentrer dans notre ligue dernièrement, je te dirais, puis c'est pas sans prétention, je te dis ça, on est un peu victime de notre succès. Ce qui arrive, c'est que le calibre est tellement fort qu'une équipe a tendance à pas partir au bas de l'échelle. Puis faire son... Y a-t-il un repêchage d'expansion pour une équipe? Comment ça marche? Un repêchage d'expansion. Repêchage concession? Nous autres, c'est pas très cher. Là. C'est 5 000 plus un dépôt garanti là, pour commencer. Okay. C'est pas la grosse affaire. Mais il faut que l'équipe soit prête. Puis moi, je leur ai dit, et tous ceux qui m'ont communiqué dans les années, ben, attendez-vous à 3 ans. Tu sais. Trois ans à bâtir. Victo, eux autres, Victoriaville, il y avait une équipe à un moment donné... Après ça, ils ont disparu, puis ils ont commencé 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans plus tard, en 9. Mais 3 ans après, ils étaient rendus en finale. Tu sais. C'est sûr qu'une équipe qui veut embarquer, qui veut connaître du succès la première année, attends-toi, la qualité est trop fort. Ça pourrait arriver, là. Ça pourrait arriver. Mais les gens, au Saguenay, oui, ça serait pas fait, puis ça serait pas. Les installations sont là, les partisans sont là. Y a-t-il des joueurs qui pourraient jouer avec les Capitales présentement? Dans notre ligue, il y en a plusieurs qui y vont. Ouais, OK. Oh, il y en a plusieurs qui sont rappelés, qui y vont. Il y en a plusieurs là, qui y vont, là, qui sont rappelés. Ben, l'Antigua était là aussi, je pensais. Était l'Antigua? Il joue encore? Ben, là, il vient d'arrêter cette année, il joue à Sherbrooke. Là, son fils joue avec Sherbrooke, John L'Antigua. Okay. Écoute, tous les meilleurs joueurs là, qui ont joué pro, ils ont joué chez nous, ça c'est sûr. Nomme-les tous, là, puis je ne vais pas commencer à nommer non plus, puis d'oublier. Mais si on a eu Manteau, Pelé chez nous, Blaquière, on a Lafrenière à Saint-Jean. Tous les gars qui jouent chez nous, là. Fait que le calibre est très élevé, mais les partisans qui capotent, là, c'est un bon calibre de jeu, c'est le fun. Chez vous, je sais, j'ai fait un tournoi. Il y a une couple d'années, le tournoi, il y avait un tournoi senior là, au stade à Jonquière, sur le baseball. On l'avait gagné, ça durait à peu près 10 ans. On était là et on avait une seule ambiance qu'il y avait là. C'était incroyable. C'est sûr que ça serait possible. Ça prend un groupe sérieux. C'est pas quand même la mer à boire au niveau des dépenses chez nous, mais ça prend un groupe sérieux qui est prêt à s'engager sur une période, là, pas juste un an. Puis de suivre, puis après ça, je pense, écoute, je sais pas, tu sais, de ce que je reste à Jonquière, c'est quand même 1h45, donc j'y suis pas beaucoup, mais de ce que je peux lire à Taliban, ils ont de la misère. Tu sais, financièrement, c'est pas rien fait du baseball, 1h. Ça marche des fois, moi, je suis un peu leur affaire de loin, là, mais tu sais, je sais que des séries, quand ils sont en série, ce qui est des fois rare, là, mais quand ils sont là, il y a du bon. Tu sais. Mais tant de saison, je ne sais pas s'ils sont encore limités aux 50. J'ai vu ça passer, je ne sais pas. Il y a un reportage, je pense, la présidente du club. Mais je la comprenais à 100%. Là. Elle pouvait pas faire ses frais à 50. Là. Ça n'a pas de bon sens. Avec les dépenses, comme elle disait, il faut qu'elle paye le gaz des joueurs extérieurs, il faut qu'elle les héberge, puis tout ça, oublie ça. Là. Quand même, t'as les subventions que tu veux. C'est beau faire du baseball pour le monde, mais tu peux pas être du baseball à perte. Oui. Moi, ce que j'y reproche à Horatio, puis c'est pas mal d'affaires, là, c'est là, on va tomber dans la politique un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de clan, ce gars-là dit n'importe quoi. Une journée, il peut dire une affaire, l'autre journée, il peut se contredire, puis ça fait pas sérieux. Il faut jamais que ce soit un ratio, puis peu importe qui dans la santé publique prend la décision. Mm. Il faut à un moment donné là, qu'il s'assoie, là, puis qu'il évalue toutes leurs décisions depuis le départ, puis qu'après ça, qu'ils prennent une ligne claire et directive. Mm. Puis, pas une journée ici, puis les bars, c'est correct, 50%, c'est en dedans, mais dehors, il faut que tu sois 50. Mm. Là, ben, la vice-premier ministre. Il beau aujourd'hui, elle dit, n'oubliez pas, là, chez vous, c'est 10 personnes maximum, dehors. Ah oui, dehors, 10 personnes, mon père Lafontaine, il y a 15 000. Allô, là, ça marche pas, là. Ouais, ça marche pas aux affaires, là. C'est parce que le monde vient frustré, là. Un peu comme tous nos partisans l'ont été en 20 ans, vient frustré parce qu'il y a de l'incohérence. Ouais, à gauche, à droite. Il y a de l'incohérence. Fait que là, tu compares, puis moi, c'est ce que je veux tellement pas au niveau de notre ligue. Commencer à dénoncer des places qu'il y a eu plein de monde. C'est pas pour les faire fermer, là. C'est juste pour mesure indicative, là, pour voir c'est quoi la logique. Là. Mm-hmm. On sera pas nous autres notre ligue dire hey, le junior élite à Granby, ils ont 2 ans, pourquoi nous autres on a 7? Il y en a qui font ça. On dirait que c'est ça qui veulent, hein? On dirait que c'est ça qui veut. Tu me l'as dit Tedford au début, là. La rumeur partait d'une plainte de là. Ben, s'il y a une plainte de là, c'est moi qui lance pas de rumeur, c'est moi qui vous pose la question parce que de manière. Non, mais bien entendu, c'est sûr que ça va être jasé. C'est sûr que ça va être jasé. Mais ça n'a pas fait jasé dans le bon sens. Là. Dans le fond, il y en a qui ont dit ben, comment ça qu'ils ont eu ça, puis comment ça que. Ça n'en prend juste ça qui ne comprend pas sur les 700 qui étaient là, puis c'est parti. Hein. Ben, c'est ça, fait que là, on souhaite. Ni que ça se règle là, quand le compteur tourne. On veut pas enlever le baseball aux partisans, mais nous autres, on veut pas à 50 non plus. Pour la raison aussi, là. Le papa et le petit gars qui est au baseball, là. On va-tu dire au papa et au petit gars, t'es 51, 52, va-t'en chez vous, là. Ouais. On va te faire ça. Ou le partisan qui est de Tetford, qui vient à Sherbrooke, qui a fait 1 heure de char. On va lui dire, ben là, t'as fait 1 heure de char, pour toi chez vous. Mais non. C'est qui au bout de la ligne qui va payer? C'est notre ligue, notre image, là. Ça, on n'embarquera jamais là-dedans. Là, on ne veut pas faire ça. Okay. On veut vraiment pas. Ben, on se reparle. Je ne sais pas si on va se reparler, Daniel. Bref, on va te souhaiter la meilleure des chances. Moi, ça ne m'a pas surpris quand il a vu ça, parce qu'il l'a fait avec Beauce Carnaval. Une affaire semblable. Beauce Carnaval, qui était des manèges en Beauce. La santé publique fait une histoire vite. Ils ont aidé aux propriétaires de Beauce Carnaval à partir. Et le gars, le propriétaire de Beauce Carnaval, il a investi 100 000$. Ils l'ont ouvert 2 jours. Par la suite, Horatio est arrivé et il a dit non, c'est terminé. Je pense qu'ils l'ont ouvert par après. Je ne sais pas qu'ils l'ont réouvert. Je ne sais pas. Mais en tout cas, peu importe. Là, tu ne joues pas avec tu joues pas de même. Là, ça fait non, c'est ça. Ouais. C'est des sous, c'est des bénévoles. Là, puis, c'est des étudiants de Beauce Carnaval. C'est pas, c'est vraiment pas. Il faut vraiment que ça soit clair et établi, là, puis comme je dis, qu'ils prennent une ligne directive qui assure jusqu'au bout, là. Parce que là, on peut pas fonctionner comme ça. Ben, je te remercie beaucoup d'être intéressé, puis n'importe quand tu as besoin d'update pour notre ligue, là, c'est une belle ligue, puis si tu es capable de pousser ça au Saguenay, tu vas avoir une demande d'expansion, mais les gens vont triper bien gros sur le calibre, là, c'est vraiment bien. Daniel Delisle, président de la Ligue de baseball junior senior du Québec.